Good morning confinement. Alors bienvenue à vous tous qui êtes confinés chez vous. Alors ce podcast n'a pas pour but ou vocation de durer, j'espère, tout comme le confinement. Voilà, ça n'a pas non plus pour but de surfer sur le fait que vous soyez bloqué à la maison et que vous n'ayez rien d'autre à faire que d'écouter un podcast. Bien sûr, ce serait totalement cynique de ma part, c'est pas le genre de la maison. Par contre, j'aime bien m'entendre parler, je veux bien le reconnaître, et du coup, nouvelle idée de podcast, juste pour un temps. Alors, je suppose que vous êtes assez nombreux dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous êtes bloqués chez vous, évidemment, avec des enfants. Hein, pour ne rien vous cacher, moi j'ai un fils de 5 ans et une petite de 2 ans et demi. Et la question qui se pose pendant le confinement, en dehors de ne pas déjà devenir fous nous-mêmes, à rester enfermés comme ça les uns sur les autres, ainsi de suite, comment occuper les enfants autrement que par les écrans, évidemment. Bien que ce soit un loisir qui mérite d'être pris en compte, hein, faut pas déconner, c'est quand même mon petit béla. Voilà, donc comment occuper les enfants en dehors de ça, en dehors de l'école, enfin des cours, on va dire, à domicile. Alors c'est vrai que pour ma part, je vais pas pouvoir vous donner beaucoup de conseils vis-à-vis des cours, étant donné que le grand est en grande section de maternelle. C'est pas là qu'on se complique le plus la vie pour donner les cours, hein. On essaie de lui apprendre un petit peu à lire, à écrire, et puis voilà. Le plus compliqué, en fait, à gérer, ça serait plutôt la petite de 2 ans et demi. Comment on occupe un bébé de cet âge-là, un enfant de cet âge-là, sans les écrans, et en pouvant en même temps s'occuper du grand. Ça a été, c'est toujours d'ailleurs notre problématique, et ça va être le but un petit peu de ce podcast, ça va être de se partager entre nous des trucs, astuces et autres. Alors je dis entre nous, parce que j'aimerais bien que ce soit participatif. C'est-à-dire que là je vais le publier sur mon compte Twitter, @nostalgique1, et en fait, si certains ont des questions, se demandent comment occuper leurs enfants, qu'est-ce qu'ils pourraient, comment se maintenir en bonne santé. Est-ce qu'il faut manger un petit peu moins? Est-ce qu'il faut comment faire du sport en restant à la maison, par exemple? Et parce que par exemple pour ce qui est du sport à la maison, moi j'ai vu une technique que je vous expliquerai, mais elle ne sera clairement pas adaptée à tout le monde. Faut être un espèce de geek qui a acheté une Wii Fit et bon, on y reviendra plus tard. Donc l'idée serait que si vous avez des questions à poser ou des conseils à donner, vous passez directement me voir sur Twitter, soit par DM, soit en commentaire sous cet épisode, qui est, j'espère, le premier d'une série pas trop longue. Et comme ça, on essaierait de s'entraider entre nous. Voilà. De se donner des conseils, de se dire, tiens, moi j'ai essayé ça, ça marche bien, j'ai essayé ceci, ça marche pas mal non plus. Parce que je vois sur Twitter des gens qui font déjà ça, effectivement. Mais chacun a des problématiques liées à l'âge de leurs propres enfants, évidemment. Donc voilà, je sais que par exemple, avec la petite de 2 ans et demi, je peux pas m'amuser à faire la cuisine avec elle, c'est pas possible. Par contre, avec le grand de 5 ans, je vais pouvoir m'amuser à customiser des manettes, par exemple. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire un petit peu à quoi va servir ce podcast, quelques petits conseils, voilà. Quelques petits conseils en cas de survie, en cas de confinement. Voilà, déjà nous, pour enfin, conseils ou au moins ordre d'idées, hein. Je peux vous dire un petit peu comment nous on fait à la maison, et après c'est vous qui voyez, qui adaptez par rapport à ce que vous comptez faire. Par exemple, nous on ouvre toutes les fenêtres des chambres pendant presque 3 quarts d'heure le matin, à partir du moment où tout le monde est levé, habillé, lavé. Hop, on fait ça. Le matin, on réveille, pour tout le monde, c'est... pour les grands, enfin pour moi notamment, c'est presque 3 quarts d'heure de Wi-Fi. Hein, je profite d'être en confinement, d'être bloqué à la maison pour faire ce que je ne fais jamais d'habitude, hein, j'en ai jamais fait en 35 ans quasiment, c'est-à-dire du sport. Donc je me suis dit, quitte à être enfermé, je vais me fixer un petit objectif de moins 3 kilos à la fin des 3 semaines. Après tout, autant que ce soit un peu positif ce confinement. Donc bref, 3 quarts d'heure de Wi-Fi le matin, yoga, étirement, machin. Et pour le grand de 5 ans, lui c'est un petit quart d'heure de yoga par le biais de la Wi-Fi et un petit quart d'heure de jeu Wi-Fi aussi. Ce qui lui permet quand même de se dépenser un petit peu, d'améliorer son maintien, etc. Après en termes d'activité physique, on a la chance d'avoir une petite cour privative, et évidemment ça nous simplifie grandement les choses. Tous les soirs, entre 5h et 5h30, on va une demi-heure dehors pour taper dans une balle, pour courir un petit peu. On va dire il y a l'équivalent d'un terrain de tennis, hein, donc on en fait des tours de terrain de tennis, mais histoire de dépenser ce qu'il y a. Et la petite et la maman, par contre, elles aiment bien le Just Dance sur Wii. Une petite demi-heure de danse comme ça, le soir, pour se détendre et pour faire un petit peu d'activité physique. Ça, c'est des petits conseils par rapport les conseils de gros geek, hein, évidemment. Je vais pas vous donner des conseils de fitness, de crossfit, d'aérobic sans matériel, parce que clairement j'y connais rien. Au pire, je vous dirais bien, faites des abdos et des pompes, hein, mais clairement, je pourrais même pas vous dire comment on fait une pompe. Une fois encore, ben, voilà, moi aussi j'ai quelques questions. À votre avis, pour une petite fille de 2 ans et demi, 3 ans, comment on peut la faire se dépenser à l'intérieur sans, j'allais dire, sans prendre de risques, mais sans, ouais, en douceur, hein. Et voilà, donc si vous avez des conseils, moi je suis tout à fait preneur, encore une fois, donc n'hésitez pas à passer par mes DM et autres, et même si vous avez des questions, posez-les et moi je les relayerai. On pourrait peut-être même passer, si vous voulez participer vocalement, passer par Discord si vous avez beaucoup de conseils à donner, au contraire, ça serait avec plaisir. On s'organise un Discord un soir, j'enregistre tout, je monte tout, le lendemain c'est diffusé. Ensuite, concernant nous, tout ce qui est, on va dire, petite routine, tout ça, on a diminué la consommation de nourriture. Non pas parce que c'est rationné, hein. Clairement faut arrêter la psychose, on a largement ce qu'il faut pour dans les magasins, quoi. Tout est approvisionné régulièrement, faut pas stocker comme des malades, c'est pas la peine. Non, on a diminué un petit peu les rations parce qu'effectivement on va avoir un rythme beaucoup plus sédentaire et bah, peut-être diminuer un petit peu tout ce qui est féculent et tout ça, un petit peu plus de fruits et légumes en conserve. En attendant mieux, ça évite de sortir tous les jours. Voilà, diminuer les rations puisqu'on est un peu plus sédentaire, boire pas mal d'eau évidemment, et puis ben, éviter un petit peu le sucre, mais se faire plaisir quand même. Nous par exemple, depuis le confinement, on va s'instaurer un apéro tous les soirs. Alors attention, apéro ça veut pas dire alcool, je sais, consommer avec modération et tout ça, mais par exemple pour mes petits qui boivent de l'eau tout le temps, l'apéro, c'est-à-dire un petit verre d'Oasis ou un verre d'Orangina le soir, c'est voilà, c'est le gros moment de détente, c'est la petite fête du soir, et pour le moral, c'est toujours pas mal. Et puis pour papa, 1 demi-litre de Guinness le soir, c'est cool aussi. Enfin, de Guinness, ou personnellement, si vous êtes sur Nanterre ou dans la région, je sais que la brasserie Nemeto fait de la livraison à domicile, encore, du pack de survie de 12 bières, je crois, pour 30 € et honnêtement, c'est des bières d'exception. Et du coup, c'est aussi un petit peu un podcast de recommandations. Alors, puisque je parlais de bière, bah, je vais aussi profiter du confinement pour rattraper un petit peu mon retard de podcast, notamment BNews USA, qui est un super podcast sur la bière. Et je conseille vraiment à tout le monde de l'écouter, parce que si on réduit ça à podcast sur la bière, tout de suite, ça paraît un petit peu réducteur. Mais il y a aussi beaucoup de musique, beaucoup de bonne humeur, et en ces temps actuels, un peu de bonne humeur, ça fait jamais de mal. Alors, pour rester sur le thème de la bière, il y a autre chose que je pourrais vous conseiller d'ailleurs. Quand vous avez du temps libre, en ce moment vous en avez d'ailleurs, et si vous aimez la bière, et vous êtes assez patient, vous pouvez brasser votre propre bière. Alors je sais que beaucoup de gens, à mon avis, y pensent, mais hésitent parce que pensent que c'est assez difficile. Mais ce que ça réclame principalement, c'est de la patience. En fait, brasser sa propre bière, il y a des kits de graines déjà tout prêts qui existent. Donc pour commencer, c'est pas mal. Vous pouvez aussi acheter un kit de débutant avec le petit ballon de décantation, une grosse gamelle. Enfin, honnêtement, il faut pas beaucoup de matériel. Il faut un après-midi devant vous. Et ça, honnêtement, vous l'avez largement maintenant. Et c'est tout. Donc à la limite, et ben, pourquoi pas essayer de commencer à faire votre propre bière. Après, une fois que la bière est brassée, évidemment, il faut la mettre 15 jours en ballon pour qu'elle décante et qu'elle fermente un petit peu. Et après, encore 15 jours en bouteille. Donc votre bière de confinement, avec un peu de chance, vous pourrez la boire au parc avec des copains quand le confinement sera terminé. Pas avant, soyez raisonnable. Voilà, donc ça c'était les petits conseils du jour 1. Évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais n'hésitez surtout pas à passer par les DM si vous avez des questions ou des conseils que je pourrais relayer pour tout le monde. Voilà, et on fera un autre point demain. Allez, sur ce, restez bien au chaud, faites attention à vous, et à la prochaine. À demain midi, ciao!